êtes maintenant à l'émission Chérimi Coutu spéciale Noël sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Sophie Laforêt au micro qui vous propose ce soir une émission spéciale de Noël parce que oui, Noël arrive à grands pas et comme tout le monde, je suis bien heureuse d'attendre cette occasion spéciale et je suis surtout vraiment heureuse d'avoir terminé ma session, soit dit en passant. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de préparer une émission de Noël pour nous mettre dans l'ambiance, pour pouvoir s'alléger un peu l'esprit là, avant d'entrer dans la course folle qu'est la période des fêtes. Et donc, ce soir, c'est une émission où on ne se prendra pas vraiment au sérieux. Vous allez voir, on va avoir droit à une programmation plutôt éclectique. Je sais que je mentionne toujours que l'émission est à contenu varié, mais là, ce soir, ça va être plus que varié. Ça va être un peu, en tout cas, ramassé de n'importe quoi, mais ça va être vraiment bon, surtout. Et donc, qui dit Noël, dit hiver, évidemment. Et j'ai pensé, bon, avant de commencer l'émission, d'y aller avec deux hymnes important à l'hiver. Donc, rappelez-vous que j'ai dit qu'on ne se prendrait pas au sérieux ce soir. Alors, on va y aller avec un premier rime et on va entendre ça tout de suite. Et je vous rappelle que vous êtes avec Sophie Laforêt dans le cadre de l'émission Chérie m'écoute-tu spéciale Noël sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Yeah. hockey. Il y a des finales jusqu'au mois de mai. L'été, c'est la saison gênée, on ne l'a jamais vu passer. Vacances mouillées, rivières polluées, un jour on gèle. Lendemain, on crève. Les marais coins font jamais de grève, puis le vent entonne l'hymne à l'automne pour me rappeler. L'hiver, maudit hiver, et dans ses rélimes, chercher les patriateurs. J'ai l'hiver, maudit hiver, chez nous l'hiver, c'est comme le hockey. Il y a des finales jusqu'au mois de mai. L'automne, c'est beau, mais couramment, un beau deux semaines. Multicolore, on monte dans le nord, voir le décor, le temps. Les feuilles t'as tout tombé à terre. L'automne venait de changer en hiver pour me rappeler. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Maudit hiver, les danseries, les mégères, c'est les patriotères. J'ai dit l'hiver, maudit hiver. Comme le hockey, il y a des finales jusqu'au mois de mai. Achou! Enfin, le printemps d'où surprend les pieds dans la boîte. La tire au bec, guérit ta grippe, change d'estogrippe, l'hiver bourgeon. Isolation, oui, mais le printemps ne dure que moi. Le temps dégelé, l'été est là pour me rappeler. L'hiver, maudit hiver, les danseurs et les mégères, c'est les patriateurs. Chaque hiver, maudit hiver, chez nous l'hiver serait une horreur. Mais heureusement, oui, et à Guy Lafleur. On vient d'entendre Dominique Michel qui chante « Jaillit l'hiver ». Donc, c'était notre deuxième hymne à l'hiver. Et avant, on avait la flamboyante Patti Galant avec la chanson « Mon pays ». Et donc, comme je le mentionnais, on ne se prenait pas vraiment au sérieux avec cette introduction d'émission. Vous le devinerez bien. Et donc, pour poursuivre, là, je vais devoir vous mentionner quelque chose. Soit que, en fait, pour l'émission de ce soir, j'ai pensé bon de vous partager des souvenirs d'enfance parce que Noël, justement, nous ramène souvent à ces souvenirs-là. Et là, donc, je vais vous partager une tranche de vie. Soit que, moi, quand j'étais petite, en fait, avec mes parents, on décorait toujours l'arbre de Noël avec un album de Noël très particulier. Et donc, justement, j'aimerais saluer la patience qu'ont eu mes parents d'écouter cet album-là, Noël après Noël. Pas parce que c'était nécessairement pénible, là. En fait, vous allez pouvoir le voir par vous-même. C'est seulement que, bon, une fois, l'écouter, c'est bien, mais peut-être que Noël après Noël, ça commençait à être plutôt déplaisant. Mais moi et mes sœurs, que je salue d'ailleurs, Caroline, Valérie et Joanie, on aimait vraiment beaucoup cet album-là. Et encore aujourd'hui, je les ai vus justement en fin de semaine lors d'un party de Noël, puis on était capables de chanter ensemble les chansons tellement qu'on les a entendues. Alors pourquoi pas ne pas vous les partager ce soir? Et l'album dont il est question, je ne vous le tiendrai pas en haleine plus longtemps, c'est le Noël de Pruneau et Cannelle. Et oui, rien de moins. Donc on va y aller avec une première pièce de ce charmant disque et on va enchaîner par la suite avec d'autres pièces. Et au courant de l'émission, vous entendrez à quelques occasions ces interventions de nos amis Cannelle et Pruneau et compagnie. Donc, on va entendre tout de suite la pièce « Allons tous à Bethléem ». Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission « Chérie, m'écoutes-tu spécial Noël » avec Sophie Laforêt. Là, les bergers s'en vont voir le Messie. Tchin, tchin, tchin, tchin. Puis les moutons, eux autres, ils vont rester tout seuls. Ben non, je suis là, moi. Je vais les amener à la crèche. Tiens, petit brin, place l'étoile au-dessus de la crèche. Ah oui, pour les rois mages. Ils s'en viennent avec des beaux cadeaux. Faut bien qu'ils trouvent, Jésus, l'enfant si doux. Doudaï, doudaï, doudaïda. Doux Noël, doux enfants, chacun de nous veut te bercer. Doux Noël, doux enfants, veut te bercer tendrement. Prends-toi cannelle, ta musette. Doudaï, doudaï, doudaïda. Doux Noël, doux enfants, chacun de nous veut te bercer. Souvenir d'hier. combien de tempêtes apaiseront nos hivers. Chansons transformeront nos silences. Combien de maisons célébreront l'importance. Combien de lumières dans les yeux de ceux qui aiment. Combien de bonheur dans le cœur quand on espère. On vient d'entendre la formation Tricot Machine avec la pièce Combien de Noël. Et tout juste avant, la musique repart fort en force. Et tout juste avant, on avait Sofiane. En fait, je pense que je le prononce bien. Sofiane Stevens avec la pièce Did I Make You Cry for Christmas. Et j'espère que vous avez apprécié l'intervention de Canel et Pruneau tout à l'heure parce que ce n'était pas la dernière. Heureusement ou malheureusement pour vous. Vous aurez deviné, c'est tiré de la série, ou plutôt de la série qui passait à Télé-Québec à l'époque, Passe-partout. Et donc, c'est ça, c'est pour vous mettre dans l'ambiance, plutôt un retour à l'enfance de la période de Noël. Et on va l'entendre une autre pièce, justement, de Pruneau et Canel. Et oui, et ensuite, on va poursuivre toujours en musique dans cette émission spéciale de Noël de Chérie M'écoutes-tu. La prochaine pièce qu'on va entendre, c'est Melchior et Balthazar qui, dois-je le mentionner, sont deux des trois rois mages. Alors, voyons ce que Canel et Pruneau ont à dire sur ces valeureux personnages. Vous êtes à l'émission Chérie M'écoutes-tu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Sont partis d'Afrique, Melchior et Balthazar. Sont partis d'Afrique avec le roi Gaspard. Ils étaient tous trois partis en suivant l'étoile. Ils étaient tous trois partis en suivant l'étoile qui les a conduits. Le premier offrit de l'encens, le second de la myrrhe. Le premier offrit de l'encens, le second de la myrrhe pour le divin enfant. Le troisième offrit de l'or, parce qu'il était riche. Le troisième offrit de l'or, parce qu'il était riche avec ses grands sacs d'or. This Christmas De la formation Yo La Tengo avec la pièce It's Christmas Time. Et tout juste avant, on avait une pièce assez pop, mais à forte tendance twee. Dans ce sapin à Géraldine. Oh, un problème ici. Oh, désolé. Oh, je viens de dévoiler un punch. Et donc, ce qu'on a entendu, c'est Lenka avec la pièce All My Bells Are Ringing, qui, justement, comme je le disais, est pop, mais à forte tendance twee, style musical que j'aime particulièrement. Et on va se quitter le temps d'une courte pause et au retour, on reprend cette émission spéciale de Noël à Chérimécoutu sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. The enemy is now in sight above the palace. Melicalicimaca is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees are swaying. Here we know that Christmas will be green and bright, that the sun to shine by day and all the stars at night. Oh, Melikalikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Melikalikimaka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees are swaying. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Oh, man. Christmas to say, Merry Christmas to say, Merry Christmas to you. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous, un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Elle était mal faite pis j'avais frais, elle, quand je revenais de passer 3 heures dans un igloo, qu'on avait fait 2 ou 3 gauches et guirondou. J'ai devant les yeux quand je suis heureux une sorte de jeu, qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs. La même année où j'ai passé, et le temps des fêtes avec sa tête, une sucre croquée, parce que je voulais me faire passer pour le gravier. 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, salut, tu, on se reverra le 7 janvier. J'ai sur le cœur un jour de l'an où mes parents, pensant bien faire, m'avait habillé en comédien. Chez ma grand-mère, c'était mon père qui se déguisait en Père Noël pour faire croire que les cadeaux, ça venait pas tout de Dupuis Frère. 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, ça risque, on se reverra le 7 janvier. La voir puis tu parler, fais des étoiles, je peux-tu avoir un autre hockey? J'ai perdu le mien pour sans dessin, hein, je t'ai changé contre des photos où on voit rien qu'une fille de dos qui se cache les fesses avec les mains. 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, salut du cul, on se reverra le 7 janvier. 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, salut du cul, on se reverra le 7 janvier. Hey. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, hold the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. d'entendre la formation de Format, qui est une formation de l'Arizona aux États-Unis. C'est une formation qui fait dans l'indie rock. Habituellement, ils nous ont offert une reprise de Holly Jolly Christmas. Et tout juste avant, on avait Vincent Vallière avec Mara Tremblay qui nous ont offert la pièce 23 décembre, qui était une pièce originalement jouée par la formation Beau Dommage. Et Vincent Vallière et Mara Tremblay, quel beau mariage! C'est assez évident, il me semble que ça fit. Là, je veux dire, ils font tous les deux dans le folk pop. Je les adore tous les deux, donc un très beau duo que celui qu'on vient d'entendre. Et au tout début du bloc, on avait Frank Foller avec la pièce. Et là, j'espère que je vais bien le prononcer. Melekali Ki Maka. Et c'est an Hawaiian Christmas song. Alors voilà, et on aura la chance de réentendre Frank Foller un peu plus tard dans l'émission parce qu'il nous offre un deuxième album de Noël tout à fait gratuitement et c'est un des rares albums de Noël que je suis capable d'écouter en entier. Donc c'est dans des sonorités assez folk, country parfois. La pièce qu'on a entendue était vraiment avec une sonorité hawaïenne, mais c'est vraiment un excellent album et je mettrai d'ailleurs sur mon blog le lien si vous désirez télécharger cet album-là gratuitement également. Et je vous rappelle l'adresse, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com. Et donc, je mettrai un lien assez évident sur la page d'accueil. Et sinon, dans la colonne de droite, vous pouvez également joindre le groupe Facebook et le groupe MySpace pour être tenu au courant des prochaines émissions et des émissions spéciales qui ont lieu parfois. Donc, l'invitation est lancée. Et on va retourner en musique encore une fois avec nos valeureux copains Canel et Pruneau. Donc, cette fois-ci, ils vont nous offrir une pièce donc, qui s'appelle « Allons ensemble à Bethléem ». Et ce que je mentionnais, en fait, j'avais une discussion en fin de semaine avec mes sœurs, justement, et je me disais qu'aujourd'hui, ça serait tellement pu accepter, en fait, un disque de Noël comme ça, produit par le ministère de l'Éducation, à savoir que c'était très, très, très catholique ce qu'on entendait sur ce disque-là, qui, je le rappelle, s'appelle « Le Noël de Pruneau et Canel ». Donc, on va entendre cette pièce-là et ensuite, on va poursuivre avec un bloc électro-Noël, donc sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Là, les bergers s'en vont voir le Messie. Tching, tching, tching. Puis les moutons, eux autres, ils vont rester tout seuls. Ben non, je suis là, moi. Je vais les amener à la crèche. Tiens, petit brin, place l'étoile au-dessus de la crèche. Ah oui, pour les rois mages. Ils s'en viennent avec des beaux cadeaux. Faut bien qu'il trouve Jésus, l'enfant si doux. Allons ensemble à Bethléem. Doudaï, doudaï, doudaï, da. Doux Noël, doux enfants. Chacun de nous veut te bercer. Doux Noël, doux enfants. Veut te bercer tendrement. Prends-toi, cannelle, ta musette. Chacun de nous veut te bercer. Doux Noël, doux enfants, veut te bercer tendrement. Et toi, Pruneau, prends ton fruiton. Doudli, doudli, doudli, da. Doux Noël, doux enfants, chacun de nous veut te bercer. Doux Noël, doux enfants, veut te bercer tendrement. Lance, lance, lance, Lance le sapin à Géraldine. Lance. Mais vas-y, lance le sapin à Géraldine. Lance le sapin. Just think about the good. Christmas time. It's Christmas time, Christmas time. It's Christmas time, Christmas time. It's Christmas time, Christmas time. It's Christmas time, Christmas time. It's Christmas time, Christmas time. It's Christmas time. On vient d'entendre la formation A Band Called Queen avec la pièce It's Christmas Time. Et c'est une formation électro-indie qui nous vient du Royaume-Uni, formation que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à cette pièce plus électro de Noël. Avant, on avait la formation Les Amis au Pakistan, formation originaire de Laval, et oui, avec la pièce Do Christmas, Noël Soft, pièce qui est un classique de Noël, selon moi, en fait, à chérir mes coups dessus. C'est une pièce que j'adore tout particulièrement de cette formation et malheureusement, on peut la faire jouer seulement Noël, sinon c'est pas très à propos. Et avant, on avait Géraldine avec la fabuleuse pièce « Lance le sapin à Géraldine » d'un album, ou plutôt d'un mini-album qui s'appelle « Sold Out Capitalisme ». Et Géraldine, que j'avais vue il y a quelques temps au Festival M pour Montréal, au mois de novembre, et elle nous avait fait cette pièce-là que je ne connaissais pas. Je suis tombée vraiment en amour avec cette pièce que je trouve tout à fait charmante, ça me fait bien rire. Et au tout début du bloc, on avait encore Cannelle et Pruneau qui nous chantaient « Allons ensemble à Bethléem ». Et là, j'ai trouvé ça très drôle parce que je l'avais fait jouer plus tôt dans l'émission, puis là, je me suis juste trompée de pièce, mais je me suis dit « Ah, les gens aiment tellement ça, Pruneau et Cannelle qui nous chantent « Allons ensemble à Bethléem » que je l'ai laissé. Mais bon, c'est pas grave parce que j'en ai d'autres pour vous. Alors, on a entendu pour une deuxième fois cette pièce-là qui est tout à fait sympathique également. Et hein, je l'ai mentionné au début de l'émission, on se prend pas au sérieux aujourd'hui, c'est la fin de la session, c'est Noël. Et voilà, j'avoue que mon taux de concentration a quand même pas mal diminué ces derniers temps, et particulièrement ce soir. Donc voilà pour ce qui est de cette pièce. Et je vais aller vous faire jouer justement la pièce de Pruneau et Cannelle que je voulais vous faire jouer tout à l'heure, soit la pièce Cristaux de Noël. Et c'est vraiment une très belle pièce que cette pièce-là, qui est assez courte, je dois mentionner. Et on va entendre aussi, là, en fin d'émission, une dernière intervention de Cannelle et Pruneau. Et on va entendre en musique Frank Fuller, comme je vous disais, qui est un artiste qui donne son album de Noël, qui est un album à tendance folk, country, etc. Donc, très bon album. Et pour vous laisser la chance de l'entendre davantage, on va en écouter une autre pièce dans quelques instants. Et c'est ce flé La Forêt qui vous rappelle qu'on est dans un spécial de Noël à Chirimicoutu. Sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. Bon, ben, est tout installé. Notre crèche, je pense qu'on a fini. Vous mettez pas de la neige, vous autres? Oh, oui, c'est vrai. C'est moi qui fais la neige. C'est chacun notre tour. Pruneau, recule-toi un peu pour vaporiser, là. La la la la la la, while I'll tell of you that my treasure. Fa la la la la la la. D'entendre Frank Foller avec la pièce Take Me Back to Toyland d'un album qui s'appelle The Second Christmas Album qu'il offre gratuitement, je l'ai mentionné tout à l'heure. Et tout juste avant, on avait la pièce toujours de Frank Foller, la pièce Deck the Halls, toujours du même album. Et sinon, on a entendu nos amis Bruno et Cannelle qui nous chantaient Cristaux de Noël. C'était fort sympathique. Et je vous rappelle que ces pièces-là jouent dans le cadre de l'émission spéciale de Noël de Chérie M'écoute-tu. Et c'est également pour vous partager mes souvenirs personnels d'enfance que j'ai fait jouer certaines pièces de Pruneau et Cannelle de leur album Le Noël de Pruneau et Cannelle, nul autre que cet album, tiré de la série Passe-partout. Et on va entendre une dernière pièce justement de ces deux magnifiques marionnettes avant de conclure avec une toute dernière pièce, encore une fois, de Frank Foller. Parce que je dois mentionner que j'apprécie particulièrement son album et c'est un des rares artistes qui m'a fait apprécier la pièce Blue Christmas, qui était originalement interprétée par le King Elvis. Et j'ai toujours eu de la difficulté avec cette pièce-là, même l'original, et j'ai souvent eu encore plus de difficultés quand c'était des reprises. Et c'est le seul à me l'avoir fait apprécier quand même un petit peu, là. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et donc, sur cet album-là, il y a 8 pièces. Et l'album s'appelle The Second Christmas Album, totalement gratuit. Et je mettrai le lien sur le blog de l'émission, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com. Et sur ce, je vais vous souhaiter un très joyeux Noël et vraiment beaucoup de repos. Là, lâchez votre fou, entre autres pour les étudiants, parce que je sais que 2 semaines pour digérer la session qu'on vient de passer et anticiper la prochaine, c'est pas beaucoup de temps, mais en fait, là, profitez-en. Écoutez, abusez pas trop des bonnes choses et soyez prudents. C'est Madame Prudence qui vous dit d'être prudent parce que c'est toujours triste de revenir des fêtes et d'apprendre qu'il y en a certains qui ont, hein, oui, peut-être pris le volant dans un état non prescrit. Donc, soyez prudents, c'est important. C'était un cri du cœur, donc c'est mon petit côté émotif. Et je voulais vous mentionner aussi que ce qui joue derrière moi en ce moment, c'est Tricot Machine avec la pièce 23h59. Et il y avait aussi la pièce Chasse-neige qui jouait là, comme ça entre les blocs. Et c'est tiré de leur album, leur édition spéciale de Noël, donc qui s'appelle 25 décembre. C'est un très bon album aussi qui nous met dans l'ambiance parce que Tricot Machine a souvent été comparé là, Passe-partout. Moi, je veux pas le dire parce que moi, je trouve pas, mais je sais qu'ils ont souvent été comparés à de la musique de ce genre-là. Ben, en tout cas, pour ceux qui pensent ça, c'est parfait pour de la musique de Noël. Vraiment parfait. Parlant de Passe-partout, on va entendre une autre pièce de nos amis Canel et Pruneau et on se quitte avec Frank Foller. C'est Sophie Laforêt qui vous souhaite de joyeuses fêtes sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. We took the merry out of Christmas. People all over the world forgot about Mary. Too busy fighting wars, trying to make it to Mars, searching for light and can't seem to find the right star. We took the merry out of Christmas. People all over the world forgot about Mary. Too busy buying toys, learning about Santa's joy, making believe he was just another baby boy. Let's put the merry back in Christmas. We wish you Merry Christmas. Come on, everyone, let's have a happy took the merry out of Christmas. People all over the world forgot about Mary. Too busy having fun, drinking with everyone, showing no respect for Mary's baby son. Let's put Christmas. We wish you Merry Christmas. Come on, everyone, let's have a happy new year. Let's put the merry back in Christmas. We wish you